Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, un très beau documentaire animalier. Dans une jolie ferme de la Bresse jurassienne, entre premiers bourgeons du printemps et canicules de fin d'été, les animaux domestiques semblent vivre en toute quiétude et en harmonie, non loin des animaux sauvages, de la forêt et des champs. Un malaise du vieux fermier, qui habituellement prend soin d'eux, va tout bouleverser. Les saisons et les climats ont encore leurs lois et leur recommencement. Un matin d'avril, le fermier a senti comme jamais qu'il n'était plus tout jeune. Et pour une fois, il s'est résolu à quitter sa ferme. Le fermier a laissé derrière lui tout un petit peuple d'animaux, abandonnés à la solitude des bêtes sauvages. Que devient un animal domestique sans maître? La ferme est livrée au cauchemar des fermiers, le désordre. Sans fermier, pas de dîner et pas de petit déjeuner non plus. La souris met la dent sur tout ce qui se présente, sans ordonnance et sans crainte des effets secondaires. Légumes bio pour les uns, et pour les autres, bio aussi. Décidément, ce monde sans homme réveille l'instinct sauvage, longtemps enfoui, jamais oublié. La vie sauvage des animaux domestiques, un DVD Studio Canal.